Sur vêtements de rare armure, j'ai pas de calibre dans l'armoire. J'crois en Dieu, j'ai pas d'armure, j'ai pas fait d'études à Harvard. Un MP tout et ça repart, c'est la frappe à Bruce Harper. J'nique le game et sans remords pour ce qu'on grandit sans repère. Ceux qui ont pas vu leur père, j'vais me tailler mes hautes parts. J'fais du travail hors pair, j'en ai stressé même en retard. Ça m'a sali, puis mon cœur il pique comme les orties. À skip, tu kiffes la neige, aux toilettes, tu fais du hors-piste. Tellement de bâtards que j'suis parano quand on pisse. J'sais plus si c'est un fils d'eux ou un bon petit. Toujours aime, je fais toujours preuve de bonté. Je vais rallumer la pâte, je vais me boire un bon thé. Ici, ça te descend pour monter. Toute l'année, j'ai plein d'épreuves à surmonter. Égalité, fraternité, je me sens pas libre. Le fils qui prend la confiance, je trouve qu'il sort un peu trop son calibre. Elle galère ta mère et avec elle tu fais le caïd. Et toi avec tes phrases de bâtard, petite salope, t'en rates pas une, hein. Appelle-moi le J ou j'en roule de loin. Déjà l'Umba à la route, alors j'en roule de loin. Faut faire gaffe la santé, alors je bois de l'eau. Ton Santo il est rentré, t'as pas envoyé de lettres. Moi c'est le rappeur à trois lettres. J'suis passé de la Twingo au Marco avec les palettes. Même si on m'a fait du mal, cœur blanc, moi j'suis pas l'autre. Monter les gens les uns contre les autres, faut que t'arrêtes. 90ème j'fais la parade, postiché en barode. Ça met l'instru, ça rappe comme elle est belle avec sa robe. J'suis reconnaître mes torts, excuse si j'dérapais. La tête pleine de soucis, j'prends la musique comme thérapie. Un jour tu vas me faire serrer, là on verra si t'es rapide. J'donnais le code de mon cœur au poteau, ils me l'ont piraté. J'vois des petits mourir, toutes ces guerres m'achèvent. J'gagne, souris même pas. Islam qu'achève, faut parler d'abord, faut pas presser la gâchette. Moi c'est le cœur avant tout, c'est pas l'argent qui m'achète. Y'a plus d'humains, plus du lore, plus de respect. Le pays part en couille, je sais pas si je vais rester, ça me rend fou même au resto. Pour me camoufler, je mets des lunettes de vue et la perruque en mode Nesta. J'ai pas de best friend, je suis au feu rouge, 3000 tiens pour les stars, elles sourient même pas, je sais pas pour qui elles se prennent. On dirait qu'elles font exprès. Et toi tu me dégoûtes, que tu remixes les histoires, tu vas toujours dans l'extrême, je fais jamais de promo, j'envoie des extraits. Et mes soldats me disent toujours Wallax trop. Nique sa mère les streams, on veut tous passer du Vespa au Vestrom, en plus dans les vestiaires, je suis pour le mec que j'estime. J'ai pas grandi dans le 8ème. Maintenant les jeunes ils veulent l'alias dans la sacoche. Gérer le réseau, s'endormir à l'hôtel avec 8 chiennes. Dans la cave, ça veut 8 guns, faire la mala tout le week-end. Je veux passer incognito, appelle-moi Fernando. Les petits devenus grandés, ils s'écartent du bendo. Ils se font la guerre, ils mettent le peuple dans le même sac. Moi tout ça m'énerve, je crois que je vais me descendre à un pack. Peace and love, vite qu'on sauve. J'suis pensif dans la gov. On s'en prend pas, hein, pauvre. Oh, j'crois que les problèmes vont me refaire picoler. Combien de fois j'ai tendu la main, combien de fois on me l'a picoré. J'traîne pas là où la pièce, ça veut la redécorer. Tellement de coups de crasse que j'ai le dos qui est devenu doré. Pourquoi on se prend la tête pour quelqu'un, vaut mieux l'ignorer. Tu parles de guerre, une menace, tu finis à liorer. S'il y avait pas d'armes, moins de morts y aurait. Arrête de chanter sur moi, si tu me cherchais, on le saurait. Et j'fais pas le Zoro, sur moi j'ai un t-shirt Zara. Calif El Maïporo, on fait le pain et on s'arrache. Moi c'est 100% le peuple, j'suis pas savoir la politique. J'dis ce que j'vis, les gens ils aiment, même si des fois y'a rien de poétique. J'garde mon éthique, on m'a dit que sur TikTok tu peux faire les sous. Et moi, même pas je le monétise, que je fais le geek dans la suite. On ouvre les vitres pour fumer, on se gèle les doigts avec la gratte et la kick. Faut mettre de côté ton cœur si tu veux faire du business. Faut avoir une équipe soudée jusqu'au bout, qu'une équipe qui se baisse.